Tu me manques sur la route, tu me manques dans les marches, tu me manques à respirer. Coup de feu, coup de lumière, coup de transparence, coup de ma douleur. Parfois notre voix est derrière nous, parfois notre voix et nous ne pouvons pas tenir. Parfois notre voix me refuse de comprendre. Des stéréotypes similaires, d'apparence avantage, ad nation travailler nécessaire. Des stéréotypes opposés, d'apparence pas apparaissant, ad nation travailler nécessaire aussi. Les âmes, le cœur, les sentiments sont les meilleurs. Tu me manques sur la rue, tu me manques dans les marches, tu me manques à respirer. Coup de feu, coup de lumière, coup de transparence, coup de ma douleur. Tu me manques, les cavaliers.